Copier. Copier. Paste. Ensuite, il faut partir. Pas carré. Oh, ordinateur de merde. Je te... Le fil est pourri là. Non. Attends, je veux lancer. 1, 2... We'll be right back. tu pars à combien là? Carré. Antimorphale. j'aime bien sur Rick, c'est... Ah, c'est pas mal ça. Where's that? attends, elle est forte ma guitare, non? Ça c'est trop fort le gars. 3, 4. Mais non, c'est du hard rock pour Bungie. Laisse-toi. Les sons bizarres, hein. Là c'est ultra c'est ouf. We'll be right back. des sons métal, ça? Thank you. pas les mettre au bon endroit les trucs. Manger. Manger.